Yes. They will bring you rain. They will move the sky. They will give you light. It will live you long. Through the eyes of child, through the song of songs, it will bring the moon. It will transfer you. In the night of nights, it will shine for you. With the wings of flight, they will make it through. Through the eyes of child and the test of song, it will comfort you, it will make you feel. Call, looking for the chance to call, making the world independently whole, watching for the place to call. Thank you.

exceptionnel, ce Mind Drive de Yes, un morceau de 97 niché au sein des Keys to Ascension volume 2, volume 2, 97. C'est 18 minutes et des poussières de bonheur, vraiment exceptionnel. Mind Drive. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Thierry, votre humble serviteur, tout seul sans son ami Olivier, qui est resté devant ses cahiers et ses livres. En tout cas, ce morceau de Yes lui est très gentiment dédié. On continue avec les grands, il y aura pas mal de grands ce soir. Prenez un papier, un crayon et surtout prenez une cassette. J'annonce le programme: Genesis, Transatlantique, Marillion, Pendragon, Steve Hackett et j'en passe. Voilà déjà une première heure qui sera riche de nouveautés et de coups de cœur. Nouveauté, ce n'est pas véritablement une nouveauté, c'est pas vraiment le cas, mais c'est une rareté, ce Genesis que je vous propose. Une version live de Twilight et la House. Déjà que ce morceau est assez rare, on l'a retrouvé avec énormément de plaisir sur les archives qui sont parues il y a 2 ans, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, je vous ai dégoté une petite version live enregistrée à Londres en 72 de ce Twilight et la House. Accrochez-vous, c'est un morceau assez costaud de nos amis de Genesis. Tout de suite sur le 100.7, je vous rappelle que c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Is it really true what they're saying? Are you really sure? There's nobody come for me. When I'm walking home, there is no one. Once there was a house full of laughter, so warm. Trying to pretend there is someone, someone who will care when I need it. I will now receive my comfort, conjured by the magic power of wine. Just a drink, a little drink, and I'm feeling good. Just a drink, a little drink, and I'm feeling fine. Just a drink, take my sorrow. Just a drink, and you can dance to my groove. Just a drink, to make me feel like a man again. Now I'm down. When I walk outside, there is nowhere. Children follow me with their laughter. So cold. Casting just a glance at the churchyard, casting just a glance at my painted female friend. Now I'm on my way, I am falling, got to find some help. I need that now. I will now receive my comfort, conjured by the magic power of wine. Just a drink, and then I'll drink, and I'll feel it good. Just a drink, and then I'll drink, and I'll feel it fine. Just a drink, my sorrow. Just a drink, and you can dance to my groove. Just a drink, to make me feel like a man. Now I'm down. Thank you. L'auberge du crépuscule, j'admire toujours cette partie de clavier qui évoque le tangage de l'ivrogne. Vraiment très très beau, surréaliste à souhait. Transatlantique, déjà un live, enfin un live, c'est à vous de voir. Moi j'ai été très très agréablement surpris par ce double live in America qui vient tout juste de sortir. Surpris par le fait qu'ils reprennent en intégralité leur nouvel album, soit bien sûr la suite de Procolarum. Plus et encore plus encore par les reprises. Il y a des reprises de Marillion, des reprises des Flower Kings, des reprises, une reprise de Dream Theater. En fait, chaque musicien fait une reprise du groupe d'où, de lequel il vient. Plus des hommages aussi, une reprise, des reprises des Beatles. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Vous allez voir, c'est de très hautes volées. Tout de suite donc les Transatlantiques sur le 100.7, extrait de leur live in America. Yes, thank you. Can I get a little more of my voice and my wedges, please? That's right. Yeah, this is the first time we ever actually played this stuff together, you know, all because we recorded it in parts, in pieces. and we got together and went, wow, it's a tall order, man. This is a song called Mystery Train. Break the whole thing down. on that one all week. Strawberry feels forever. very fall. I thought you weren't going to say that tonight. $10. I wasn't going to say I got blisters on my penis, but now you may maybe say it. Il est facile de vivre les yeux fermés. Bravo en tout cas pour cet hommage au très grand Beatles, pape du proto-progressif. J'en connais qui vont se déchaîner sur ce disque. C'est un disque attendu, c'est un disque qui a été subventionné par les fans et c'est un disque qui, je pense, va décevoir. Je veux parler du Marillion. Marillion, en avant-première, vous l'avez ce soir. Heureux ceux qui ne sont pas partis en long week-end. Anorachnophobia, c'est le titre. Même si cet album est supérieur aux deux précédents, Marillion.com et Radiation, même si on ne retrouve plus, et c'est tant mieux, des influences de Britpop, ce n'est pas que je n'aime pas Radiohead, mais que vient faire Radiohead avec Marillion, eh bien, même si on ne retrouve plus cette mouvance, même si le groupe ne lorgne plus vers ce public, on ne se retrouve pas pour autant dans des sphères progressives. C'est plutôt du rock mélodique, de bon aloi, très sympathique.